Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 16e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera, comme pour tous les bilans de saison, entièrement consacré au bilan de la deuxième saison d'Agents of Shield, la série d'ABC. Beaucoup de monde avec moi pour ça. On a beaucoup de choses à se dire, donc on va commencer immédiatement. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 16e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi ce soir, donc, Elodie. Bonsoir tout le monde. Elvie. Bonsoir. Arnaud. Salut. Clément. Bonsoir. Et Mulder. Bonsoir tout le monde. Donc pas mal de monde encore une fois, décidément, ces bilans de saison ont du succès. Est-ce que le débat sera aussi animé que la dernière fois avec Gotham? On verra. On va commencer avec, peut-être comme on avait fait pour Gotham, histoire de poser le cadre direct, une petite note chacun sur 5 sur cette saison 2, uniquement la saison 2, on ne tient pas compte de la saison 1. Arnaud? Parce que la saison est largement mieux tenue que la première, que c'était feuilletonnant et j'adore ça, donc tout simplement 4,5. D'accord. Elvire? 4. Elodie? 3,5. Clément? Je vais mettre comme Arnaud, 4,5. D'accord. Et Mulder? 4,5. Et pour ma part, un bon 4. Donc, a priori, ça devrait bien se passer pour Agents of S.H.I.E.L.D. ce soir. Maintenant, on va rentrer dans les détails, on va voir si tout est positif ou s'il y a oui ou non des bémols. On va commencer par les personnages et puis leurs évolutions tout au long de la saison. Et puis après, on reviendra sur quelques grosses intrigues en détail. Alors, au niveau des personnages, on va essayer de faire des groupements. Encore, c'est pas forcément facile. Peut-être commencer par les anciens. Donc, on va parler de Coulson, Sky, May... Avant peut-être de séparer Fitz et Simmons parce qu'il se passe plus des choses qui les regardent eux. Et puis après, on parlera des petits nouveaux et on terminera avec Ward. Pour le plus grand plaisir d'Elvire. Et d'Elodie. Et d'Elodie aussi. Et d'Elodie alors. Allez, Coulson. On peut l'associer à May hein, fortement sur cette saison. Oui, il faut pas sur la fin de saison. Mais c'est le duo vedette qui porte la série en fait. Pas sur la fin de saison, encore que, ils fonctionnent. Quand même pas forcément ensemble, mais les histoires de l'un sont très liées aux histoires de l'autre. T'avais un petit côté shipper en fait entre Coulson et May, quoi. Savoir si les deux étaient ensemble ou en couple, enfin un truc dans ce style. Jamais de la vie, quelqu'un a pensé ça. Oh non. Je les ai shippés dans la saison 1, après j'ai arrêté. Ah, moi même pas une seconde, je crois. Ah non, pareil. Jamais. Non, c'est vraiment les deux. En plus, tu sens vraiment leur relation hyper ancienne, qui a un vrai respect mutuel. Enfin, voilà. Enfin, moi, je vois aucune once d'attirance entre les deux personnages. Ou alors, je me mets des œillères énormes, mais non. D'ailleurs, intéressant d'avoir pas des... d'attirance, mais c'est dans ma tête, personnellement. Mais pas dans la série. Non. D'accord. C'est ça, le shipperisme. Intéressant, le côté origine de May avec l'épisode de la cavalerie. Ah oui. De savoir enfin d'où elle vient, d'avoir aussi l'ajout de son ex-mari, etc. Finalement, elle a eu une vraie, vraie évolution. Et enfin, pas forcément une évolution, mais elle a pris de la profondeur, je dirais plutôt. Ouais, complètement. Bah, elle est passée de robot à humain, quoi. Elle est passée de. Ouais. Elle est passée de sous Black Widow à Melinda May, quoi. Sous Black Widow, peut-être pas quand même, parce que la pauvre Black Widow est déjà bien bas, alors. Coulson, il m'a un peu ennuyé, en fait. Dans la saison, il était mis de côté. Il a eu un petit moment intéressant avec le début de saison et puis les intrigues sur les gravures qu'il faisait dans le mur, etc. Mais sinon. Après, on n'a plus entendu parler de lui. Il était plus relégué au second plan avec Sky en avant et Toby, tout ça. Non, mais ouais, c'est ça. Et bon, du coup. Il s'en sort un peu trop facilement, en fait, j'ai trouvé. Pour tout, enfin, même pour. Surtout sur la fin de saison, comme quoi ils veulent un peu l'écarter du Shield. Et au final, il revient un peu comme une fleur, sans souci. Il reprend le pouvoir. Bah, ils ont rien en particulier contre Coulson. C'est comment fonctionne le Shield. Parce que ce qu'ils apprécient pas, c'est qu'ils continuent à perpétuer l'ancien Shield, hein, qui était qui était détruit de l'intérieur. Donc ils voulaient repartir sur d'autres bases, et pour ça bah c'était changer tout le fonctionnement du shield. Bah, c'est pas spécialement contre Coulson, donc qu'ils s'en sortent et qu'ils restent entre guillemets chef du shield, c'est pas bah il disait quand même que tout était de la faute de Coulson quand même, que c'était lui qui était qu'il fallait éliminer parce que au contraire Gonzalez avait pas confiance en lui parce qu'il avait eu il avait été ressuscité avec du sang alien, etc. Mais en soi, c'est juste qu'ils avaient pas confiance en lui. Les autres, ils avaient rien. Ils se sont laissés entraîner par Gonzalez, mais ils avaient rien en soi contre Coulson. Oui, c'est le fonctionnement. Ce qu'il lui reprochait, c'est plutôt de poursuivre l'héritage de Nick Fury, avec ses magouilles et ses choses un peu masquées, plutôt que lui, ses positions à lui, ou ce qu'il a pu faire ou pas faire. C'est pour ça, après, quand ils se sont tous réconciliés, ils ont gardé Coulson en chef, mais ils ont rajouté quand même un conseil décisionnaire avec les nouveaux de l'autre shield. Ce qu'ils voulaient à la base, un autre fonctionnement du shield. Voilà, est-ce qu'au final ça change grand-chose? Je suis pas sûr, mais bon. Non, surtout avec la fin de saison, ça va revenir un peu comme avant. C'est ça. Bah, totalement même. Allez, la personnage qui a quand même le plus changé cette saison, c'est quand même Sky. Oh oui. Ouais. Rappelez-vous, il y a 2 ans, elle était quand même juste une petite hackeuse qui avait piraté le shield. Le personnage le plus énervant de la série. Ah, toujours. Non. Je la supporte pas, mais depuis le début. Alors, qu'est-ce que tu lui reproches cette saison, Elvire? Cette saison? Bah, peut-être le personnage principal. Mais moi, je la supportais pas déjà à la base, et là. À la base, elle a toujours été au centre de la série dès le départ, avec sa relation avec Coulson, avec le mystère qui entourait sa naissance et tout ça. Elle a toujours été là, si ce n'est pas le personnage principal, l'un des personnages principaux. Et je vois pas le reproche de dire tout est centré autour d'elle. Normal, depuis le début de la série, c'est comme ça. Depuis le début de la série, elle m'agace. Donc que là, qu'elle soit au centre de la saison, c'est pas ça qui m'énerve le plus, parce que j'avais compris depuis le départ que c'était elle au centre de la série. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'énerve tout le temps, être trop, je sais pas. Elodie, t'avais pas l'air d'adhérer trop. Moi, ce que je trouve, c'est que ils l'ont transformée un peu trop vite en super guerrière et que ça fait un peu too much. Comme tu disais au début, c'était genre une hackeuse. Et elle est passée, dans le coup, t'as l'impression au même niveau que May ou Bobby, qui elles ont des années d'expérience, quoi. Je trouve ça un petit peu trop rapide. À peu près tout le monde a été transformé, hein. Ouais, mais c'est vrai que la transformation de Sky est... Elle a aucun training, elle a pas fait l'académie. Et dans les derniers épisodes, elle est à deux doigts de mettre May KO. C'est vrai qu'on la retrouve avec des aptitudes de combat d'un jour à l'autre, comme ça, qui sont quand même un peu arrivées rapidement. C'est vrai. Bah, ils expliquent que May a essayé de l'entraîner tout ça, mais même avec un entraînement qui a dû durer quelques mois, je suis pas sûre qu'elle puisse arriver à un aussi haut niveau. Et quand tu la vois se battre, il y a eu une scène dans l'épisode 19, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo où elle détruit tout le monde et, j'ai trouvé que c'était tout moche. En même temps, son vaisseau, c'est quand même Malin Danmei, hein. C'est pas n'importe qui non plus, quoi. C'est le... Ouais, mais même, tu peux t'entraîner au foot avec Zidane et être une brêle au foot quand même. Si t'es pas bon, t'es pas bon, quoi. C'est pas en 3 mois que tu vas devenir le nouveau Zidane, justement. Donc, Tu peux avoir un niveau, mais peut-être pas arriver directement au niveau de ton maître, on va dire. C'est ça. Après, ce qui du coup est peut-être, il y a peut-être une amalgame qui a été faite aussi. C'est à partir du moment où elle a eu des pouvoirs, elle est devenue douée au combat, alors que ses pouvoirs n'ont rien à voir avec le combat. Et du coup, il y a peut-être aussi ce raccourci-là qui a été fait autour du personnage. Bah, elle se serait battue avec ses pouvoirs contre May, parce que à part la toute dernière scène où elle se bat et elle utilise ses pouvoirs, et dans d'autres épisodes, ça aurait limite été justifié. Mais sans ses pouvoirs. Arnaud, Clément sur Sky. Daisy. Oui, je suis plutôt d'accord, c'est assez rapide. On la voit, elle est entraînée par Ward et ensuite par May, d'accord, c'est rapide. Mais je pense que c'est pas non plus l'élément le plus important du personnage. Ça me vient un peu trop facilement. Mais ils en avaient besoin pour justement avoir cette confrontation entre les deux personnages féminins forts. Et on peut un peu pardonner ce raccourci. Il y a pire dans plein d'autres séries. C'est ça. Clément, Sky? Je suis du même avis qu'Arnaud. C'est vrai que c'est un peu rapide, mais après, j'ai trouvé le personnage beaucoup plus intéressant que la saison 1. L'actrice m'a moins tapé sur les nerfs, largement moins. Enfin, le personnage était bien écrit et mieux exploité. Et après, oui, ça peut être... moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, le fait qu'elle combatte bien du jour au lendemain, dans la mesure où les scènes où elle combattait, entre guillemets, c'était utile, quoi. Puis en plus de ça, elles étaient bien réalisées. Ça m'a pas dérangé. Moi, ce qui peut à la rigueur m'agacer chez elle, c'est qu'elle a un peu, parfois, tendance à se transformer en pleureuse. Et ça a tendance à me crisper. Pour la défendre, elle a vraiment des parents de merde. Hein. Je veux dire, elle a attendu toute sa vie pour avoir deux grosses déceptions. Hein. Et moi, au contraire, c'est ça qui me plaît plus. C'est que dans la première saison, je la trouvais trop arrogante, trop... elle m'énervait. Et là, je trouve qu'elle s'est pris des coups et elle est un petit peu retombée sur terre. C'est sûr qu'elle s'en est pris, oui. Elle est un peu retombée sur terre et en même temps, elle s'est pris plein de trucs dans la gueule. Hein, Arrogante, c'est un peu le cliché de n'importe quel pirate hacker. Hein, j'en connais pas, mais... regarde le film de Michael Mann, Hacker, tu vas voir ce que c'est qu'il y a de l'arrogance, quoi. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, oui, je suis sûr de moi, parce que j'arrive à m'infiltrer dans n'importe quel... Oui, d'accord. Après, du coup, en lien avec Sky, on peut parler directement de ses parents. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Elvira, elle se tape des parents de merde. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça des deux. Ouais. Parce que malgré tout ce qu'il a pu faire... Ah non, oui. Cal, il a un très bon fond. Voilà, reste quand même... Sa fille. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour elle. Alors, ça n'excuse pas les atrocités qu'il a pu faire. Mais au final, quand il a été question de sa fille, voilà, il a toujours... Il a toujours fait en sorte de la retrouver et puis après d'avoir une relation avec elle, enfin voilà. Ah non, il a essayé. Comme je dis, des parents de merde, c'est qu'elle s'attendait pas à avoir un père comme ça, mais au final, quand on pensait que c'était lui le pire, on a vu la mère et... Et là, on s'est dit non, il est très gentil ce garçon. C'est ça, mais d'entrée de jeu, hein, dès la première apparition de la mère, tu sens qu'il y a un gros potentiel. Je suis tombée dans le panneau. Pas du tout, moi, je l'ai pas trouvé. Ah non, c'est juste la femme, moi, qui m'a... Ah non, moi, dès qu'elle est apparue, je me suis dit, oh purée, celle-là, elle va nous faire un coup de pute. Je sais pas, c'est un ressenti, hein. C'est pas forcément écrit sur son visage, mais je sais pas. Il y avait un truc. Tu la sens manipulatrice. Déjà, elle est là de. Elle a le pouvoir de faire un moment, faut commencer. Donc, peut-être d'autres personnes qui ont voulu prendre le pouvoir, les a peut-être déjà virées. Mais en plus, elle était censée être morte. Elle est à la vie, mais personne n'était au courant. Cal n'en a jamais parlé. Donc, peut-être qu'elle a dit, ferme ta gueule sur moi, personne ne le sache. Pour ensuite foutre la merde bien comme il faut. Ouais, enfin oui, effectivement, il y a ce gros côté manipulatrice. Elle nous rend Reina quasi sympathique. C'est ça qui est bizarre, c'est que... Sur la fin de saison, oui, Reina est sympathique. Moi, je trouve. Reina, que tout le monde détestait, tout le monde voyait méchant comme Cal. Et au final, les deux sont devenus plutôt pas gentils, mais sont un peu plus assagis, on les a plus compris. Et d'autres personnages qui pouvaient sembler plus sympas... deviennent de véritables monstres, ou alors pourraient le devenir. On en parlera juste après, mais il y a quelques personnages dont on sent qu'ils pourraient virer, pas forcément d'un très bon côté. Donc les parents de Sky, ok, pas plus de choses que ça à dire, si. Ah bah sur l'interprétation. Ah bah de Cal. Cal McFarlane, il est génial. Dale Cooper, attends, Dale Cooper. Incroyable, il est incroyable. J'ai pas vu Twin Peaks, mais il est magnifique. T'as vu Desmond's Wife? Moi aussi, je le connais de là. D'accord. Ben voilà. Donc du coup, grosse performance, oui, de Kyle MacLachlan. J'ai toujours du bal. Bravo. Ça me fait bizarre. Bah, je prononce Dale Cooper, comme ça je m'en sors, quoi. Voilà, énorme performance, notamment dans l'épisode final avec sa scène avec Coulson. Ah oui. Dont je pense, je me rappellerai longtemps. Laquelle? La conversation. Alors, quand il est coincé par la voiture. Dans la voiture. Vraiment forte en émotion. Enfin, tu sens toute l'ambiguïté du personnage, en fait. Et puis la grande folie qu'il peut avoir, quoi, dans l'épisode qui lui est consacré avec son espèce d'équipe de bras cassés, là. Ah ouais. C'est sûr. Au début, tu le trouves ridicule. Au début, je trouvais qu'il en faisait des tonnes, et en fait, il arrive à procurer plein de facettes à son personnage, donc c'est... Et comme tu le dis, dans l'épisode final, là... Du coup, on regrette franchement le sort qui lui est réservé. Ouais, c'est vrai que quand tu vois le sort, tu dis « Ah bah non, c'est nul !» Au moins, il est pas mort, parce qu'il aurait pu mourir plein de fois. C'est sûr. Ah bah ça, c'est clair, ouais. Je vous parlais tout à l'heure de personnes qui pouvaient peut-être virer du mauvais côté. Évidemment, je faisais allusion à l'une des deux moitiés de Fitzsimmons. Je pensais à Jenna Simmons, Oh, qui a des propos parfois, ah, cette saison, assez déroutants venant d'elle. Ah bah, ouais. C'est elle qui, c'est par elle que tout le côté Civil War est introduit, je crois. Bah, je pense que tout ce qui va être le Registration Act et tout ça, oui, elle va être clairement du côté, enfin, du côté de la, pour la registration, enfin, pour l'enregistrement des, etc. Et effectivement, ah, c'est une des premiers, c'est un des premiers prémices de cette intrigue-là dans le MCU, oui, qui est apporté par Jenna. Parce que c'est parce la que première le... à parler de Fish. Ah ouais, c'est toutes les thématiques de peur de, des personnes au super-pouvoir, c'est elle qui l'introduit bien avant que Bobby et, enfin, que Bobby Morse, Hunter et Mac n'en discutent, quoi. Et c'est là aussi que tu vois vraiment l'évolution du personnage, parce que jamais, en regardant la saison 1, j'aurais cru vraiment que le personnage évolue comme ça, quoi. Il y a vraiment une évolution du personnage assez intéressante et assez déroutante à la fois. Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est vrai qu'on sent que voilà le personnage, on va dire que c'est noirci un peu, quoi. C'est vraiment enfin, mais vu la fin de saison, on va voir s'il va peut-être pas revoir un petit peu sa position. C'est ça. Est-ce, bah justement ou justement où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle va revenir, comment, quand est-ce que justement ça va amplifier sa position concernant les pouvoirs ou pas? Bah, il y avait dans les comics, il y a, alors je sais plus si c'est dans Secret Warrior ou dans Secret Avengers, t'as un personnage de technicien subalterne qui devient inhumain et qui du coup du rejoint le camp des Avengers. Donc je sais pas trop si c'est cette storyline-là qui vont être sur lequel ils vont piocher pour Jean Simon. Peut-être ça peut être plein de trucs. Enfin voilà, on sait même pas où elle est. On sait juste que le c'est un rocher cri a priori, mais voilà, est-ce que c'est un rocher d'abord? Est-ce que c'est pas il sert à quoi vraiment ce cri? Ah, justement. Ben, on sait pas, justement, c'est... T'as raclié, non? Oh, purée. Que gueule. Ah, non, non, allez. Non, on le met dehors. Non, Clement is back. Non, mais j'avais... Ils ont introduit ce truc, j'avais l'impression d'avoir loupé un épisode. On l'a vu une fois, quoi, et puis... Oui, on l'a déjà vu avant. Oui, une fois. Et il y a déjà quelqu'un qui est rentré dedans et qui en est ressorti. Non. C'est Graviton? Qui est rentré dedans, oui, qui en est ressorti, pour le moment, non, pas à ma connaissance. C'est Graviton. Qui est rentré dedans? Ah non, c'est pas Graviton. Personne n'est rentré dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a été aspiré par ça, qui en est ressorti? Il semble que quelqu'un a déjà été aspiré par ce truc, si. Un soldat, ou je sais pas quoi. Ah, si, peut-être. Moi, je crois que c'est un soldat qui en avait la garde. Peut-être. Enfin, voilà, en fin d'épisode, dans une scène post-générique, voilà. Mais ah oui, justement, c'est cette post-générique là. Il y en avait dans la saison 2, parce que du coup, j'ai pas fait gaffe. Bah, elles sont plus après le générique. Enfin, c'est les, We Will Return in a Moment, là. C'est... Ah, d'accord. C'est ça, les scènes post-génériques comme dans la saison 1. Voilà, maintenant, c'est ça, en fait, qui les remplace. C'est la petite séquence juste avant le générique qui dure quelques secondes. C'est la scène après la pub. C'est ça. Après la pub, avant le générique. Parce que sur W9, maintenant, les scènes post-génériques se déroulent après la pub. Hein. C'est plus après le générique. Pas logique. Hein? Mais oui, c'est parce qu'en fait, il y a une pub. Non, c'est aux États-Unis que c'est après la pub. Oui, il y a une pub, la séquence, et puis le générique. C'est toujours comme ça. Aux États-Unis, deux minutes avant la fin d'un épisode. Ouais. Sur W9, je vous rassure, on n'a pas raté couper à moins de 3 minutes de la fin. Contrairement aux États-Unis. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des souvent, sur beaucoup de chaînes, hein, maintenant, hein, des coupures à 10 minutes, un quart d'heure de la fin pour pouvoir enchaîner direct avec le début du prochain épisode. Exactement. D'ailleurs, ce fonctionnement est plutôt pas mal, parce que du coup, ça t'entraîne à rester. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de mettre de la pub ou des bords d'annonce entre les programmes. Ah bah non, parce que là, raté quoi. Ouais. On se barre. Pour Simmons, pour ajouter un truc, est-ce que ça vous a surpris en fait qu'elle puisse devenir agent double en début de saison 2? Oui. Bah oui, parce que pour moi, on avait clairement pas les capacités. Elle s'est pas mentie. Bah, elle savait pas. Ouais, enfin, elle sait pas faire quoi. Heureusement que Bobby était là quoi, parce que. Elle aussi, son changement, on voit pas d'où il sort, quoi. Le changement elle de passe qui de quelqu'un qui, de Simmons, elle passe de quelqu'un qui sait à peine mentir. Et on la propulse à agent double. Ouais, c'est vrai que c'est assez rapide. Et chez Hydra, quoi. C'est rapide, mais, on se rend pas forcément compte du truc, parce que de toute façon, elle est pas très bonne. C'est pas comme Sky qui va choper des aptitudes, voilà. Au final, elle est quand même magique qui a eu un effet du fait que Fitz soit un peu handicapé entre guillemets et que ça a pu être un traumatisme le fait d'être jeté par Ward de l'avion et tout ça. Hein. Et puis il y a aussi plusieurs mois entre la fin et le début de la saison 2, donc c'est pas tout de suite après comme Sky où là le changement se voit tout de suite et choque plus. Eh ben Elodie, tu nous offres la transition parfaite, Fitz. Fitz. Attention. Sur Fitz. Oui, attention, ouais. Parlons de Fitz tout seul ou de Fitz et Gemma? Bah Fitz tout seul parce que maintenant on n'est plus avec Fitz et Simmons et c'est ça la grosse évolution pour les deux, c'est qu'ils sont devenus chacun un personnage à part entière. Oui, en effet. Alors moi il y a un truc qui m'a quand même dérangé, c'est que après la mi-saison, Fitz allait très bien. Je sais pas, vous avez pas remarqué qu'il allait pas, il allait mieux, mais il allait quand même pas très bien. Non, il avait encore des soucis. Hein. Mieux, hein. Oui. Bah il a été aidé. Mais il a presque plus de séquelles maintenant. Mac l'a aidé aussi, on voit. Et Coulson aussi. Oui, un petit peu moins. Notamment avec son entraînement là pour la boîte qu'il devait réparer en moins de temps de minutes, etc. Coulson était vachement derrière lui pour ça. C'est justement parce que pendant toute la saison, ils ont essayé de l'aider à aller mieux que bah, d'un coup, ça fonctionne mieux. Puis il a peut-être été aussi poussé par lui-même à cause des événements. Des événements du mid-season, effectivement, ont peut-être effectivement eu une sorte de déclic où il s'est mis un coup de pied au cul tout seul, je sais pas, enfin, comment expliquer ça, mais... On sait pas comment fonctionne le cerveau humain, hein. Non, pour moi, ça passe tout seul, hein, le fait qu'en mi-saison, il est obligé d'aller sur le terrain, mais vraiment, à faire le forcing d'aller sur le terrain, et puis, ce qui fait qu'il y a un déclic qui se produit, qui puisse après, mieux gérer, enfin, son handicap. Il en parle, je crois, non, dans la série, dans la saison 2, de ça, le fait qu'il puisse, qu'il arrive maintenant à mieux gérer. Oui, il en parle quand il est avec Mac. Je crois que c'est Mac, hein, j'ai toujours du mal à trouver son nom à lui. C'est Mac. C'est Mac. Bon, Fitz, à part que... Pour moi, c'est un des meilleurs personnages de cette saison. Rien que parce qu'il a prononcé en premier le mot inhumain. Donc c'est lui en premier qui... C'est le premier à avoir un inhuman dans la série, ouais. En s'adressant à Sky. Oui, mais il dit que le pouvoir est inhumain. Il dit pas, oui, il dit il pas qu'elle est inhumaine. Oui, mais bon, on a quand même attendu pendant longtemps. Bon, on n'avait pas vraiment vu non plus avant. Bon. Saison 1, en fait, je crois qu'il y a des indices hein, dès le départ sur cette mythologie-là. Oui, des indices, mais pas le mot. Ouais. La première fois que le mot était prononcé dans le MCU, c'est bien de la bouche de Leo Fitz. Dans l'épisode 10, de retour. Non, 11. Pendant toute la première, ouais, 11, je sais plus, toute la première partie de la saison, on attendait ce mot en i qui venait jamais. Et... Oui, oui. Il faut attendre le retour de la mi-saison qu'ils le disent. Ouais. Puis après, il l'a dit, et puis après, il y a eu quelques épisodes où il n'y a aucune fois fait mention à ce mot-là, et puis alors d'un coup, tout le monde s'est mis à dire les inhumains, les machins, les trucs. Oui. J'étais surpris surtout dans le final. Quand tu lis le résumé de l'épisode, il disait le shield contre les humains. Tu dis, mais depuis quand ils ont déjà donné un nom? Et puis même entre eux, ils en parlent, c'est les inhumains, c'est machin. D'un coup, comme ça, bim. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est Sky qui explique à Coulson qu'il s'appelle les inhumains. Moi, je me souviens pas. Mais il me semble qu'un truc comme ça, s'il y a quelqu'un qui apporte la connaissance à quelqu'un là-bas. Mais je trouve qu'ils adoptent très vite. Ils s'appellent les inhumains, blablabla. Je trouve qu'ils adoptent très vite le terme et que. Enfin, voilà, ça fait quand même. Mais bon, tant mieux. Les petits nouveaux du Shield, Bobby, Hunter et Mac. Bon point fort de la saison. Un peu de sang frais, ça fait du bien quand même. Ouais. Ah ouais. Surtout Bobby et Hunter, le duo marche super bien. Et vraiment, ils apportent. Ouais, ça a apporté un gros plus à cette saison. Et même dès les premiers épisodes, vraiment, j'ai adoré les personnages et ça fait partie maintenant des personnages que je préfère. Ils apportent vraiment quelque chose. Bah, un gros plus à Bobby quand même. Ah ouais, complètement. Dans les trois, non, c'est Hunter. Hunter, toi? C'est comme Mac, tu vois, ça doit illuminer. C'est comme accent. Ward, je veux dire, ça doit illuminer un petit truc chez toi. Non, mais ça fait plaisir aussi d'avoir des séries où les acteurs anglais gardent leur vrai accent. Ils ne le cachent pas. Ils ont vraiment un bon leur accent. Je ne sais pas si Hunter a d'ailleurs pas clairement des origines anglaises dans la série. Bah, si, je crois. Il me semble qu'il lui fait référence. Surtout que dans les comics, il fait partie du Shield anglais. Oui, voilà. Donc du coup, si il y a une référence à ça. Mac est un peu en retrait quand même. Il est en retrait durant toute la saison, je crois. Il s'affirme vraiment en fin de saison, je crois. Ouais, mais un peu énervé quand même. Je sais pas si c'est l'acteur ou le personnage, mais au départ, il était quand même assez insignifiant. Il est un peu le faire-valoir de Fitz, un peu le mec qui est là pour l'aider, alors que il servait pas grand-chose à côté. Et d'un coup, il prend une grande importance en l'associant avec Bobby. Mm. Et j'ai pas trouvé cette association très intéressante. Enfin, j'ai pas trouvé que le fait de le mettre avec Bobby, ce soit vraiment assez pertinent. Je sais pas si c'est un manque d'alchimie entre les deux acteurs ou quoi, mais j'ai pas trouvé ça super, super entraînant. Bah, On les a pas mis ensemble pour qu'ils aient de l'alchimie, tu vois, c'était pas fait pour être un couple. Donc oui, non, moi, mais ça, ça... Ah, tu peux quand même avoir de l'alchimie avec ton partenaire. Hein, oui. Ah oui, non. Mais je sais pas, j'ai du mal avec je sais pas si c'est l'acteur ou le personnage, mais je sais pas, il traîne un peu autour de plein de personnages, il est là avec Fitz, il est là avec Bucky. Il a pas encore trouvé son truc. Il est là avec Hunter, ensuite il veut partir mais il revient, il est avec l'autre Shield, et du coup le manque justement de points d'ancrage comme ça, ça m'a perturbé pour vraiment apprécier le personnage. Bah, je pense qu'il pourrait mourir, on s'en foutrait tous. Ouais. Non. Voilà. Contrairement à celui qu'on a perdu au milieu de saison. Pas forcément. Je crois qu'on l'a oublié. Bah, il était pas vraiment. Je dois l'avouer, je ne me souviens même plus de son nom. Mais il est, c'est pareil. Il servait pas à grand chose dans les épisodes qui ont précédé. Bah, on sentait quand même qu'avec avec Sky, il y avait quand même une espèce de complicité. Il y avait quand même quelque chose qui avait un potentiel pour devenir super intéressant. Ouais. Bon, on l'appréciait davantage parce qu'on le connaissait peut-être davantage justement. On l'avait vu déjà à la fin de la saison 1. Donc on le connaissait plus que Mac, il était plus exploité que Mac, justement parce qu'ils allaient le buter, donc il fallait qu'on s'attache un peu à lui. Mais au final, il servait pas tant que ça, puisque oui, après, parce que finalement on a vite tourné la page aussi. Mais... On a vite tourné la page et maintenant je sais même pas vous, mais moi je me souviens même pas de son nom. Là j'ai du mal. Trip, quoi, voilà. C'est ça. Donc c'est pour dire qu'au final ça servait pas à grand chose. En même temps, qu'est-ce que c'est que ce nom-là, Trip. Bref. Moi, je trouve qu'il y a eu un inversement de situation entre Hunter et Bobby. Je trouvais que... Mais moi, ce que j'aime bien... Non, attends, Elodie termine. Je trouve que début de saison, Hunter était plus intéressant que Bobby, et que sur la fin de saison, mais alors vraiment la toute fin, Bobby est devenue plus intéressante que Hunter. Ah, pour moi, elle était toujours plus intéressante, dès le début. Ah bah, pas pour moi, tu vois. Elle a une espèce de faculté à crever l'écran dès qu'elle est dès qu'elle est sur une scène, dès qu'elle est quelque part, enfin voilà. Hyper charismatique. Et mais du même coup, il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Elle aurait pu être assise sur un toilette pendant que les autres se battaient à côté. J'aurais peut-être plus regardé Bobby, tu vois, parce que vraiment, elle capte tout. Elle capte l'attention. Ouais. Bah, j'ai pas ressenti la même chose, tu vois. Elvire, t'allais dire? Moi, c'était sur Mac, en fait. Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que c'est le seul à avoir des prises de position assez fortes contre Coulson. Parce que là, il est quand même, à la fin, il part, enfin, il veut partir en disant, tant que le shield, ce sera à vous. Voilà, oui. C'est pas possible que j'y sois. Donc, c'est un truc assez fort parce qu'il y a plein de, mais des fois, elle est un petit peu d'accord avec lui. Bobby aussi. Il y a tout le monde qui a un petit peu tourné le dos à Coulson, mais qui a un petit peu trouvé que des fois, il allait trop loin. Mais Max, c'est le seul qui vraiment dit non, non. Si le shield, c'est vous, je ne reste pas. Et en plus, t'as raison, en plus, à la mi-saison, c'est aussi celui qui est là en train de dire, oui, mais Sky, elle a beaucoup changé, c'est plus la même, il faut qu'on se protège contre elle, écoute les gens comme elle, etc. Alors qu'il y en a d'autres que, même Simmons, elle a le même discours, elle est quand même, elle se dit quand même, ça reste Sky, ça reste mon ami, je veux l'aider, alors que Mac, il est plutôt dans le, il faut qu'on se protège contre elle. Donc oui, c'est celui qui prend des positions vraiment, elle est au contraire à l'opposé des gens, des autres. Et il s'affirme et il prend des pas d'accord et il prend ses positions. Il prend des décisions basées sur la raison. Et oui. ce que ne fait plus du tout Coulson en tant que directeur ou les autres qui prennent des décisions basées sur les sentiments. Je les critique pas, placés dans la même situation, je ferais sûrement pareil. Mais je pense que pour être un directeur ou avec une organisation comme le Shield, il faut qu'au bout d'un moment, ça soit basé sur la raison, les décisions. Et ce que peut faire Mac, ce que n'arrive plus à faire Coulson. À la fin de la saison, Coulson, il écoute plus la raison. Il est totalement sur ses émotions et son attachement à Sky. Oui. Il a toujours été comme ça. Oh bah, dès le départ, oui. Enfin, en même temps, il prend des positions, mais derrière, il est le premier à aider Sky. Oui, c'est vrai. Mac aussi, c'est le premier à avoir... c'est lui qui a, entre guillemets, réparé, soigné Fitz. Oui, bah, oui. Il est en grande partie, oui, dans la guérison de Fitz, ça, c'est sûr. Et qui a sauvé Coulson. Il prend les décisions, dans le dernier épisode, les décisions qui s'imposent. Quoi. C'est ça, il est... Exactement. Ouais, même avec une hache. Il sait être là dans le money time, on va dire. Allez, ça me fait penser à The Walking Dead, ça aussi. C'était le gimmick de la phase 2, hein, donc il fallait que ça soit là aussi, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Oui, je voudrais revenir sur le peut-être prochain couple Fitz-Simons. On a parlé des personnages séparément, mais on n'a pas parlé des personnages, entre guillemets, ensemble. Oui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose... Comme à la fin de la saison 1, on nous a fait le coup, ils vont être en couple. À la fin de la saison 2, on a eu droit à la même chose. Et comme par hasard, ils sont encore séparés par les forces des choses. Ça va être la marotte, à mon avis, et c'est pas prêt d'arriver. Ouais, non, mais la question, c'est plutôt, est-ce qu'ils devraient vraiment être en couple ? Non. Non, pas du tout. C'est plus un peu comme des frères et sœurs. Non, mais moi, pour une raison très simple, c'est qu'avec... On casse tous les couples, non. Moi, pour une raison très simple, c'est que Fitz et Simmons, c'est un couple de nerd geek comme on en voit beaucoup dans les séries de Whedon. Donc, ils nous font le coup plusieurs fois, donc... Non, mais moi, la scène de fin, enfin où il l'invite à dîner, là, j'ai trouvé ça, mais niais, et je les ai trouvés cruches tous les deux, mais vraiment... Parce qu'ils sont maladroits, enfin, c'est des choses que, effectivement, en tant que geek, ils sont pas maladroits. C'est que même en étant maladroit, justement, ça aurait pu être sympa, le petit côté maladroit, mais là, il y avait limite, elle a eu aucune réaction, Simons, quand il lui propose le dîner. Si, elle lui a dit oui. Bah, non, elle dit rien, elle y a même pas un petit sourire comme quoi elle a l'air contente. Bah oui, c'est parce qu'elle se retrouve complètement conne, elle. Elle s'attendait pas. C'est un truc qu'elle a peut-être. Quand Fitz part. Quand Fitz part. Elle a un sourire. Oui, voilà, mais c'est parce que. Elle s'est figée, on le voit à peine. Enfin, moi, non, cette scène m'a pas dérangée particulièrement. Ah bah moi un peu, j'ai trouvé qu'il faisait très très cruche. Comme Supergirl. Oui, mais c'est assez de cruche comme Il faudra attendre encore un petit peu pour ça. Sont de cruche comme deux jeunes adultes qui demandent de faire une sortie quoi. Oui, voilà, non, pour moi ça m'a pas semblé out of character ou quoi, au contraire. Non, non parce que dès la fin de la saison, il a parlé de ses sentiments. Bon, après, ils ont une saison pour en reparler entièrement. Bah, le problème, c'est que après, il y avait autre chose. Fitz était un peu handicapé. Gemma s'est barrée. Quand elle est revenue, bah, il s'est senti trahi, il voulait plus la voir, donc il avait pas forcément envie de Et ils en ont parlé les deux, hein. Ils en ont parlé les deux de ces ressentiments qu'ils avaient. Ouais. Oui. Du coup, Fitz lui a dit, moi, c'est pas fini, mais il est plus dans la même position. Il y avait d'autres. Ensuite, il s'est passé plein de choses avec Sky, les Inhumains, tout ça. Et une fois que tout ça est terminé, ils peuvent se poser et essayer de reprendre où les choses étaient. Et comme Fitz a évolué, il a pardonné à Gemma, il va mieux par rapport à son handicap. C'est le moment où ils peuvent peut-être se dire pourquoi pas essayer de reprendre où on s'était arrêté et essayer d'entamer une relation. Non, ça semble pas tomber n'importe comment. J'ai ressenti vraiment pareil. C'est pas comme une série de CW où c'est à chaque épisode, t'as toujours 5 minutes où on parle de ça. C'est vrai, il n'y a pas la pause romance dans l'épisode. Mais la comparaison est intéressante, effectivement, parce que du coup, même quand il se passe des... Enfin, là, il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres sujets brûlants, et c'était pas le moment de parler de cette relation, de ces romances, c'était mis de côté, et les personnages aussi avaient autre chose en tête à ce moment-là, et il n'y avait pas forcément le petit... Parce qu'on l'attendait, évidemment, nous, on s'attendait à ce que ça allait... à ce que ça soit abordé à nouveau, etc., mais... C'était pas la priorité. Et du coup, ça a été plutôt bien géré de la part de l'équipe autour de la série. De pas nous en remettre des tartines à chaque épisode, etc. Et puis d'attendre que ce soit le moment. Elvire, t'allais dire un truc, je crois que j'ai vu ta fenêtre clignoter. Non, j'étais d'accord avec toi. D'accord, chef. Et alors du coup, tu vas avoir ta petite récompense, on va parler de Ward. Mais qu'est-ce que les filles trouvent à Ward ? Donc du coup, Ward, vas-y, fais-toi plaisir, Elvire. Alors, faut savoir que j'ai vu toutes les saisons à la suite. Donc moi, c'était mon gros point fort pour point fort pour continuer la série. J'ai d'abord été accro à Ward et après j'étais accro à la série. Et donc dans la saison 2, mon petit cœur s'est brisé à cause de qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Je ne comprends pas où il veut en venir. Mais même à la fin de la saison, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au départ, il voulait faire le bien avec Sky, il fait des promesses et tout, pourquoi pas. Et après, il part en freestyle, mais complet. Et moi, j'ai envie de croire qu'il y a son humanité, tout ça, mais non, il s'enfonçait. Pendant toute la première partie de cette saison, je dis, ça y est, il va avoir la rédemption, il va sortir de ça et tout. Et non, il va de plus en plus loin dans le méchant. Il est excellent, méchant. Oui, et ce mec-là est peut-être le mec le plus dangereux que l'équipe a été amenée à croiser. Et en saison 3, à mon avis, il va être plutôt grandiose en tant que vilain. Mais dans la seconde partie de saison, il servait strictement à rien. Parce que là, c'était décevant. Non. Il préparait un truc de son côté. Il a été manipulateur, mais comme jamais avec l'agent 33. C'est parce qu'on comprenait pas. Et non, non, non, il était quand dangereux. Même attaché à elle, je pense. Oui. Je suis pas sûr. Il l'a tué, c'est énorme. Pour moi, ce mec n'a aucun sentiment. C'est une machine. Je suis sûr qu'il y en a toujours pour Sky. Moi, je suis War des Sky. Oui. Je suis même pas sûr, tu vois. Mais à la fin, moi, ça me dérange un peu que... Enfin, j'ai l'impression que ça part beaucoup trop loin au niveau du personnage de War, quoi. C'est vraiment, comme elle disait, c'est freestyle total. Et limite, je trouve ça limite pas ridicule, mais il y a un truc qui me dérange à la rigueur. Le développement de War, ça m'a un peu dérangé sur la fin de saison, quoi. Je comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir, en fait. Je vois pas. Ça me dérange. Mais après, justement, je me demande si même eux le savent. Et c'est ça que j'ai dit, c'est le point faible de la saison. Le Taskmaster, c'était ça, justement. D'accord, d'accord. Oui, Mulder le dit, le Taskmaster, évidemment, et le Taskmaster, et voilà, le maître de corvée pour la VF. Oui. Pour la VF. Et non, ce mec-là, ça a été dit dans les interviews, etc., c'est le grand vilain de la saison 3. Et... Bah, avec le dirigeant de Hydra, on imagine. Et ça va être... Ouais, le dirigeant d'Hydra, il trouve trois peuples bourrés dans un bar et il croit détruire le shield, excuse-moi. Il est plus intelligent et il a fait partie du shield, surtout il connaît tous les secrets du shield. Il connaît les secrets des deux côtés. Voilà, donc oui. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage où justement il va aider le shield et il réintègre entre guillemets l'équipe d'origine, se reforme on va dire pendant un épisode. J'ai trouvé cet épisode génial, c'était drôle, ce qui est aucun des personnages lui a pardonné. Ah oui, ah, j'adore. Cette scène était géniale. Il essaye de s'excuser et on sent qu'il en a, il en pense pas un mot, mais bah moi j'ai trouvé génial parce que le putain de malaise en 2 secondes. Oui, là, la scène est très très très bien faite. On a l'impression que ça va recommencer comme encore un premier, et comme avant. Il y a plein de intelligent parce que. Oui, Elvire. Qui m'a? Oui, c'était toi, Elvire, mais t'as dû couper au milieu de ta phrase. Il a montré à quel point il était intelligent et puis. Je sais pas si on m'entend en fait. Si, maintenant ouais. Ah, ok. Intelligent parce que dans la première partie de saison, on le voit comme il est là comme le, c'est lui un petit peu le Ken de l'équipe, et là il arrive à, comment dire, à se foutre de la gueule du shield 2 fois, ils le reprennent et ils ont toujours pas compris la première fois, quoi. C'est vrai, ça devient une espèce de gimmick quand même, mais la deuxième fois quand même mais là je pense ils savent avec qu'il va la, avoir quelque avec chose, quoi. Non mais Coulson, est-ce qu'il est sérieux quand il lui propose de l'aider et après de lui faire effacer ses souvenirs? Il est sérieux? Il pense vraiment que Ward va accepter ça quand il lui dit oui? Non, je crois pas. Moi, perso, je crois pas. Je pense pas. Ouais. Alors pourquoi lui proposer? C'est ridicule. Parce qu'il avait besoin de lui, tout simplement. Mais qui dit juste qu'il a besoin, il l'aurait fait parce qu'il a pas de... Parce que ouais, ça servait aussi d'intérêt. Ward aurait pu sentir un coup fouet. Ce serait dit... Je l'aide et il veut rien en retour, ça paraît suspect, ils ont un autre plan derrière pour me capturer ou quoi. Ouais. Non, je pense qu'il y avait vraiment du double jeu des deux côtés, enfin, c'était que ni l'un ni l'autre des deux parties n'étaient dupes. Il faut voir aussi que Coulson était jusqu'à l'échanger, hein, au début de la série, donc, enfin, au début de la saison, je crois. Donc, il a un petit peu sur ses gardes, hein, le Ward. On va passer à deux grosses intrigues quand même, voilà, avant de se quitter, parce que ça fait un petit moment qu'on est déjà ensemble. Rapidement, cette histoire de nouveau shield, et puis après évidemment on fera le point sur la grosse mythologie inhumaine qui a été mise en place. Ce nouveau shield, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intrigue-là? Moi je l'ai trouvé un peu amené comme ça. Je te pose ça là et démerde-toi avec. Je suis un peu d'accord avec toi, je sais genre pas. Genre, on ouvre une porte, coucou, c'est nous. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas si c'était vraiment indispensable, si c'est vrai que c'était un peu amené comme ça d'un seul coup, parce que même au niveau de Mac, que du coup Mac et Bobby avaient affaire de s'attraper à ça, c'est vrai que même au niveau de ça, de commencer à amener, c'est très puissant, et sur le coup, on comprend pas trop. Et ouais, je suis pas persuadé que c'était vraiment... J'ai toujours pas compris le délire, personnellement. Moi, je suis d'accord que c'était très mal amené. Je suis d'accord que c'était très mal amené, mais nécessaire, je pense. Parce que justement, ils ont voulu montrer qu'il y avait des contestations face au shield, que c'était pas juste ça y est, le shield a été détruit, mais on le refait facilement avec Coulson et on reprend la même équipe et tout va être parfait. tout va être parfait. C'est juste que justement, les gens sont pas d'accord, ils veulent une autre façon de faire, ils ont une autre façon de penser, ils ont un autre regard sur tout ça, sur tous ces super-héros qui existent et ces personnes avec des pouvoirs. Et ça, justement, bah, deux visions différentes sur un même thème, un même groupe, bah, ça mène à quoi? Ça mène Civil War. Oui, mais ouais. ça n'arrive pas au bon moment. Pour moi, cette histoire de nouveau Shield, de comment on doit gérer le Shield, etc., ça aurait dû arriver dès le début de la saison 2, au moment où il s'agissait de reconstruire un Shield, lequel on veut reconstruire. Mais là, il y a un truc qui a déjà été reconstruit. Les autres, ils sont dans l'ombre depuis le départ, soi-disant, d'où ils sortent, machin. Enfin, c'est pas le bon moment pour amener ce nouveau Shield et cette espèce de rivalité sur la manière de gérer les choses. Non, je suis d'accord avec toi que c'est mal amené. Que justement, ils auraient dû introduire des éléments que bien plus tôt, parce que le fait que Bobby et Max soient dans un petit groupe un peu à part et qu'ils trament quelque chose, c'est amené juste dans deux ou trois épisodes et à la fin de la première partie de saison et un peu plus au début de la seconde. Mais ils auraient dû amener ça bien avant encore et on aurait pu, je sais pas, voir un autre groupe sur le terrain ou quelque chose, on sait pas qui c'est. Gonzalez, moi je l'aurais bien vu dès le début de saison. On aurait dû les voir sans forcément présenter directement un autre Shield. On aurait dû déjà avoir quelques idées avant, bien plus tôt dans la saison. Et donc je suis d'accord avec toi que ça a été mal amené, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est mal fait. Mais encore une fois, je pense que c'était nécessaire pour les idées qu'ils veulent introduire. Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Mais voilà. Non, mais au final, je trouve que ça a servi à pas grand chose. Parce que. Ça sert pour le long terme. Oui, je pense que ça servira au long terme. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de vrai changement depuis, en fait. Ah, si. Maintenant, il y a un groupe. Bah, il y a deux groupes. Une structure, ouais. Ah non, c'est le même groupe. Oui, non, mais il y a deux groupes dans la manière de penser, je veux dire. Bah, c'est la même. Il y a d'un côté Coulson, Sky, Pro, on va dire Pro, pouvoir, etc. Et de l'autre, t'as Mac et tous les autres qui étaient au conseil de Gonzalez. Qui pensent qu'ils ont deux idées différentes. Et ça, pour le même Shield, c'est important pour Civil War. Ouais. Non, mais dans le même Shield, je veux dire, c'est dans le même Shield. Oui, Civil War. Mais dans Civil War, il y avait un Shield aussi. Oui. C'est un groupe qui s'en sort. Alors que si on a pas vu les ouvert en deux. Parce que c'est. Mais oui, mais on t'introduit ça, justement. Tu l'introduis doucement. Mais moi, je me rends absolument pas compte qu'on m'introduit ça, tu vois. Mais c'est pas grave, tu t'en rends pas compte. Oui, mais tu repenseras plus tard. Tu repenseras dans un an quand il y aura encore plus de conséquences et quand t'auras vu le film. Et là, tu trouveras effectivement ça a été bien amené parce que ça fait longtemps qu'en fait ça se trame sans que tu t'en sois rendu compte. C'est pas grave pour quelqu'un qui est pas connaisseur. Il n'y a pas eu de gros changements dedans. J'ai l'impression qu'il y a eu cette intrigue et qui a duré, je sais pas, moi, sur 5-6 épisodes, on va dire. Et qu'au final, on est revenu à la case départ. Tu verras, ce sera pas du tout la case départ au début de la saison. Après, ça n'a pas été développé non plus dans cette saison trop parce que c'était pas encore l'intrigue principale. Ça sera l'intrigue principale l'année prochaine, peut-être. Oui. Là, l'intrigue principale, on va en parler maintenant. C'est l'introduction des Inhumains dans le MCU. Donc là, c'était peut-être effectivement histoire de nouveau Shield, machin, un peu maladroit, etc. Parce que c'était, je te jette des pistes et puis tu verras bien ce que je vais en faire plus tard. Et c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont pas introduit dès le départ de la saison, comme on est en train de dire que ça aurait été une bonne idée. Mais ils l'ont amené qu'à la fin de la saison parce que c'est pas le plus important. C'est ce qu'ils veulent amener pour la saison 3. Mais c'est toujours mal fait. Voilà, ça aurait pu être fait aussi de manière légère en faisant au moins une mention au début. Enfin, voilà, bref, c'est pas grave. Les Inhumains. On va terminer là-dessus, parce que bientôt une heure. Sur les Inhumains, vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où, justement, Sky s'en va avec Gordon dans ce qu'ils appellent l'Afterlife. Ouais. Dans j'ai beaucoup aimé toute cette partie, où... Dommage, d'ailleurs, qu'on ne rencontre pas d'autres Inhumains à part Lincoln. On va en voir. Ouais. Les autres ne sont pas des Inhumains. Ils n'ont pas encore leur pouvoir. Ils ont le potentiel de l'être, mais ils ne le sont pas forcément tous. Oui, mais il y en a qui les ont. Enfin, j'imagine si Lincoln l'a, pourquoi les autres ne les auraient pas? Oui, il y en a quelques-uns qui les ont, mais seulement, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup plus que ceux qu'on a vus. Ouais. Parce que c'est vraiment une élite de personnes qui sont préparées, qui sont choisies pour subir la transformation, qui deviennent des Inhumains. Mais donc, c'est la mère de Sky qui choisissait ceux qui pouvaient aller dans la brume. Il y a un conseil, mais bon, la mère de Sky... Mais il y avait un côté génétique qui jouait. Oui, ils ont tous le potentiel de devenir un humain, mais pour devenir un humain, il faut passer par le rituel auquel Sky est passé, et pour ensuite avoir la transformation. Mais tout le monde n'a pas le droit d'avoir la transformation. Même ils ont tous le potentiel de l'avoir, mais ils le font pas. Voilà. Ils ont tous ça dans leur code génétique, effectivement, mais pour être exposés aux brumes, et au cristal, donc voilà, il faut en être entre guillemets digne, et du coup voilà, c'est Jayin et puis quelques autres qui choisissent qui peut. Ok. C'est très présent dans les comics. Il y a toute une partie des Inhumains qui fonctionne comme ça aussi. Il y a ceux qui sont plutôt libres vis-à-vis de ça et qui, bah, à partir du moment où tu peux l'être, bah, tu deviens un Inhumain. Point. Et puis t'as effectivement toute une partie des Inhumains qui pensent que ça doit rester une élite et que, enfin voilà, qui ont un peu un côté, une vision élitiste de leur place. Ça aboutit après à la famille royale, non? Ça aboutit après à la logique de famille royale, je crois, non? Ça. Bah, il y a la famille royale. Déjà, ouais. On la voit pas, mais elle existe normalement. Okay. Puis après, oui, là, dans la mythologie du MCU, il y a peu de cristaux. Mais en même temps, on a quand même une valise complète. Il y a quand même moyen de faire quelque chose. Bref. D'autres choses sur cette intrigue des Inhumains? J'imagine que oui, parce que quand même, elle nous a fait. C'était passionnant. Beaucoup parlé cette année. Ouais. C'était bien amené dès le départ, en sous-texte et de plus en plus présent. Jusqu'au climax de la mi-saison et de la scène magnifique de la transformation de Sky. Ouais. Ça, je pense que tout le monde s'est extasié de cette scène. C'est incroyable. Mais tout l'épisode, l'épisode de mi-saison, voilà. En fait, on prend le mid-season final et le final de la série et on a presque deux films là. C'est ça. C'est ce que je disais, je sais plus qui, c'est avoir un final de deux épisodes diffusés en même temps, donc 1h20, ça fait presque un film Inhumain avant l'heure. Ouais. Surtout qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de soins d'apporter à ces deux épisodes-là. Ouais. Et, enfin, on dit que ce soit au niveau de la réalisation, des dialogues, des moyens techniques, voilà, qu'ils ont mis derrière ces épisodes. Enfin, tout est excellent dans ces deux finaux-là. Et c'est surtout que tu te rends compte que finalement, bah, c'est pensé depuis le départ, parce qu'ils ont décidé des éléments, tout le long de la saison 2, bien sûr. De la série. Et de la, même, oui, c'est ce que j'allais dire, de la saison 1. Et là où c'est encore plus flagrant, c'est quand on apprend, en fait, l'histoire de la cavalerie, qui, en fait, est liée aux Inhumains. Et ça, honnêtement, ça m'a mis sur le cul. Je n'y attendais absolument pas que c'était lié de près ou de loin avec les Inhumains. Et c'est là que je dis, bah mince, ils sont forts, parce qu'ils ont pensé vraiment à tout. Parce que la cavalerie, de mémoire, je crois que on en fait mention dès le... Bah, c'est dès le premier épisode, dès le pilote. Ah ouais, c'est Weir qui est étonné, mais Linda May est dans le truc, là. Mais Linda May, il y a sous-entendu, c'est qu'on est sur la cavalerie. Ouais. Elvire, sur cette intrigue des Inhumains? Moi, j'ai pas grand chose à en dire parce que, je l'attendais pas autant que vous parce que moi, je lis pas, je connais pas Marvel donc c'est pas, il a vraiment fallu qu'on dise le mot pour que ça tilte dans mon esprit, tu vois. Pour moi, ils avaient des pouvoirs, d'accord. Mais voilà, moi, je n'aime pas Sky, donc. Forcément, voilà. Ça t'emmerde. Moi, ça n'aime pas. Ça m'emmerde de il y a eu des bonnes choses, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Ce qui a fait que ça nous a autant passionné aussi, c'est que vraiment, autant l'année dernière, on a pu avoir l'impression que la série subissait le MCU. Ouais. Mais là cette année, la série donne le coup d'envoi à un nombre de choses impressionnants qui vont aller impacter les films après. Ah oui, mais là, c'est fort d'ailleurs. Mais la série a pas plus d'importance que les films. Pour le MCU, mais là, déjà, c'est essentiel. Vous l'avez expérimenté sûrement, mais... Oui, mais... Ah, je sais pas qui. C'est toi. Vas-y. C'est moi. Ah, vous avez dû l'expérimenter. Moi, j'ai pas pu parce que j'ai vu Avengers Age of Ultron avant de voir la série, mais c'était parfaitement bien. Enfin, c'était une introduction parfaite. On comprenait. Si on allait voir le film. Non, on l'a expérimenté comme toi parce que l'épisode introduisant Avengers était diffusé après la sortie en France. Oui, exactement. Il y a eu des comme l'année dernière avec Captain. Ouais. Comme l'année dernière avec Captain America 2, en fait. Les Marvel sortent avant chez nous. Oui, enfin, tout le monde n'a pas vu le film dès le jour de sa sortie. Oui. Mais ceux qui ont pu voir les choses dans l'ordre, effectivement, c'est plutôt bien, un bel enchaînement, là. Ah oui, c'est bien foutu. Parce qu'il y a pas mal de critiques sur Avengers 2, où il y a pas mal de gens qui étaient déçus d'avoir des personnages de la série télé, et quand tu regardes la série télé, tu comprends mieux pourquoi. Ouais. Les personnages de la série? Bah oui, pourquoi est-ce que les personnages de Coulson n'est pas dans le film? Pourquoi est-ce que Chloé Bennett n'est pas dans le film? Mais quand tu vois la série, tu comprends pourquoi. Ah oui, non, mais les gens qui ne connaissent pas la série ne connaissent même pas les personnages, donc ils s'en foutent. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé, par contre, de voir des agents du S.H.I.E.L.D. qu'on connaît de la série dans le film. Hein. Le S.H.I.E.L.D. n'existe plus, donc... On les verra plus tard. Bah normalement le Avenger 2 marque le retour du Shield, mais et on verra normalement l'année prochaine en fait, normalement les conséquences de la série sur les prochains films. On verra peut-être un petit caméo ou quelque chose dans la Civil War. Ouais. Coulson. Ouais. Peut-être, et encore pas sûr. Il y avoir des Avengers dans la série, parce qu'il y a plein de références, mais ça, c'est voit pas. C'est peu probable parce que ça coûterait un bras. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. T'en as déjà un. Mais en même temps, à la fin d'épisode final, on a quelque chose qui semble se mettre en place du côté de Sky qui prend à la tête d'une équipe. Alors que effectivement, tous les clignotants vont vers les Secret Warriors. Oui. Mais effectivement, comme toi, j'ai pensé aux Secret Avengers. C'est quoi la différence? Bon, c'est pas le même set de comics. Oui, là, c'est pas la même équipe dans les comics. Enfin voilà, ils ont pas les mêmes origines, etc. D'accord. Mais après, la façon dont c'est présenté dans le MCU, puis même les mots employés par Coulson quand il explique cette équipe à Daisy, moi, ça m'a fait penser aux Secret Avengers, à une équipe de Vengeurs un peu secret, un peu undercover, qui vont aller voilà pour le compte du Shield, etc. Voilà, ça ressemble quand même furieusement à ce que sont les Secret Avengers. Le dossier que Coulson a dans les mains, c'est en fait le dossier qui, le nom de code, c'est celui de Secret Warriors. Oui, voilà, c'est pour ça que tous les clignotants indiquent Secret Warriors. Ouais. Mais voilà. Ben, il y a un indice aussi sur le prochain film, c'est le fait que l'index du Shield rappelle beaucoup en fait le fichage de Civil War. Ah bah oui. C'est... Mais ils font que ça, de faire des gros clignotants à Civil War. Plus les inhumains, bien sûr. Ça va être l'élément central de la saison 3, de toute manière. Ben, la question, c'est est-ce que l'index du Shield qui est employé dans la série va être mentionné dans le film, quoi? Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. J'espère. Parce qu'à l'arrière, il existe cet index, donc... C'est probable, parce que... Ben oui, il y a quand même de très grandes chances qu'il s'en sert. Hein. On n'a pas vu Coulson parce que Whedon ne voulait surtout pas le mettre dans les films. Parce que pour lui, il est mort dans les films, il ne veut pas le ressusciter. Et maintenant qu'il est parti, les autres vont pouvoir le ramener, surtout si Marvel leur dit... Tu nous fais un crossover entre les deux en ramenant Coulson faire un petit coucou dans le film, et voilà. Bah surtout que en soi, il est pas mort quoi. Il est pas mort, mais Whedon l'a tué dans le premier Avengers. Il a dû le ressusciter à la demande de Marvel, mais pour lui, il a dit en interview, je veux pas le ramener dans mon film parce que pour moi, il est mort dans le premier. Et en gros, pour lui, la série n'existe pas. Mais avec un rappel Ward à la tête de Hydra. Hein. Ou pas. Non, mais on va pas refaire le débat Whedon et tout ça, parce que... De toute façon, il a raison. On en aurait pour très longtemps. Il a toujours raison. On va conclure, parce que ça fait un bon moment. Je vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous allez revenir pour la saison 3, parce que je pense que quand même, c'est quand même une des séries qui nous a le plus enthousiasmé cette saison. C'est clair. Après, étonnamment. Étonnamment pour toi, oui, effectivement, parce que tu t'attendais vraiment pas à ça. On en reparlera quand on fera le grand bilan global de la saison, hein, de nos coups de cœur, etc. Je pense qu'il en sera plus tôt pour Arrow, par exemple. Arrow, dont il sera justement question la semaine prochaine. Ça promet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D. avant qu'on conclue? Non. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cette semaine. Comme on vient de le sous-entendre, la semaine prochaine, on se retrouve pour le débrief de la saison 3 de Arrow. A priori, l'unanimité ne sera pas là. On verra maintenant dans quel sens ça se passera. Mardi, vous retrouverez le mag, qui sera le mag numéro 16. Et puis samedi, on se retrouve sur comicstories.fr pour une Padawan édition qui sera centrée justement sur les Inhumains. Voilà, maintenant, vous avez vu Agents of S.H.I.E.L.D. Les Inhumains vous ont été introduits dans l'univers de la série. Vous savez que vous allez en entendre parler au cinéma. Et bien maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lire en comics? D'où est-ce qu'ils viennent dans les comics? Qui les a créés, etc. Quelle est un peu leur histoire? Et bien c'est ce week-end que l'on vous en parlera. D'ici là, évidemment, bonne série. Et à bientôt. Salut. Salut.